بسم الله الرحمن الرحيم. نخوض الآن المسألة 51. سكوتينيم مسألة. في قوله تعالى: واللاتي يأتينا فاحشة يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت. الآية. Dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit: et celles, parmi vos femmes, qui accomplissent la perversion parmi vos femmes, alors faites témoigner sur elles quatre témoins, c'est-à-dire si elle fait zina. Et si jamais ils témoignent, alors retenez-le, ou plutôt retenez-les, il y a des prisonnières dans les maisons. Verset 150, sourate An-Nisa. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد بل تحبس إلى الموت أو إلى جعل الله لها سبيلا. Donc ce verset laisse entendre que la zania, la fornicatrice, n'est pas flagellée, mais qu'elle est retenue prisonnière dans sa maison jusqu'à la mort ou lorsque Allah lui accorde une issue. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها لا تخبس بل تجلد مئة إن كانت بكرة وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أن إن كانت محصنة ترجم. Et un autre verset est venu démontrer qu'elle n'est pas retenue prisonnière justement, mais qu'elle est lapidée, ou plutôt afin de flageller 100 fois si elle était bikr. La bikr, c'est celle qui n'a jamais commis de mariage légiféré auparavant. Le sens bikr, ça peut être avoir le sens de virginité, mais le sens légiféré et chadari de bikr pour l'homme ou pour la femme, c'est celui qui n'a jamais connu de mariage légiféré. Même si il a déjà connu la fornication auparavant ou quoi, on l'appellera bikr quand même, fichala. C'est une parenthèse. Et dans un autre verset qui était lui abrogé, dont la lecture, la législation était abrogée, mais le jugement reste effectif, c'est que celle qui a été mariée d'un mariage légiféré, elle, elle est lapidée à mort. Donc maintenant, là, il y a comme un effet de contradiction. Oui, il est sel jiddan. Wal jawab zahirun wa huwa anna habs az-zawani fil buyut mansukhun bil jald wa rajm. Donc là, le fait de retenir les femmes dans les maisons, celles qui ont fait zina, cela est une chose qui a été abrogée par la lapidation et la flagellation. Aw annahu kanat lahu ghayat yuntahi ilayha. وهي جعل الله لهن السبيل فجعل الله السبيل بالحد كما يدل عليه قوله تعالى خذوا عني كجعل الله لهم سبيلا خذوا عني كجعل الله لهن سبيلا الحديث ou alors c'était le fait qu'elles avaient un aboutissement qui fait que Allah Azza wa Jal leur accorde une issue et que cette issue c'est quoi? C'est la sentence légiférée. C'est-à-dire qu'elles sont libérées après avoir subi la sentence. Est-ce qu'il serait soit la lapidation à mort ou soit la flagellation pour ceux qui étaient bikr. Comme le prouve le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez de moi et que Allah leur a déjà accordé une issue. Le hadith rapporté par Muslim. Naam. Et le hukm qui est connu, c'est celui de l'abrogation. Le hukm qui est connu, c'est celui de l'abrogation. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillah bil alamin.